29 janvier 2011, le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa 5e édition, Igloo Fest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Nights, Guillaume N. de Coutu-Dumont, Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres. Igloo Pass en prévente dès maintenant. Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails. C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hot en ville. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonsoir, en manchette ce soir. Hey, on a-tu eu une belle été de Noël, hein, quand même? Hein? Vous écoutez 70%. 13 au 29 janvier 2011. C'est sans bon sens. Je donne le minimum. Je me sens comme un vrai homme. Je file comme un pomme. Au maximum. 70%. C'est surtout Simon. Simon, il est bon, c'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Oh oui, moi, Simon, Simon Saumon, c'est moi le poisson. 70%! Et ça précise, ça faisait longtemps, ça. C'est le thème de Simon-Pierre Bilodeau, qui était un des cofondateurs de cette émission, qui est 70%. Ça m'a fait plaisir de ressusciter son apport à notre show, parce que ça fait la 199e qu'on fait ce soir. Puis on a décidé d'avoir de la personnalité puis de fêter ça en grand, là. C'est-à-dire, on a invité François, qui est là-bas et qui peut-être veut garder ça silencieux parce qu'il fait... Parce qu'il n'a pas de micro. Ouais, c'est surtout ça. Bonjour. Bonjour. il y en a un micro, mais c'est le sien. C'est ça. Il est venu avec son propre micro. Il est vraiment très indépendant. Et voilà, c'est comme ça. C'est toi, François, t'es ici parce que tu veux enregistrer l'émission dans l'arrière. Ah, je voulais pas venir les mains vides, fait que j'ai apporté ça. Et voilà, dans les coulisses de son émission de radio préférée, hein, on bat les justiciers masqués. Hein. Facile. Attends, c'est facile à battre aussi. Dis pas ça, toi, ils sont forts, les justiciers masqués. Ils font des jokes comme à plein le monde au téléphone sans qu'ils s'en y attendent, tu sais, le fun. On dit ça? Oui, ben, souvent, en plus, c'est pas mal leur great assist. On devrait faire ça à 70% des jokes au téléphone. Oui, ben oui. Sinon, ben, j'ai amené le dernier album de vidéo Ville, Vendetta d'Al Futuro. Yes! Excellent. Ouais, ça va être la trame sonore de fond. J'aime bien ça, moi aussi. Qui est un vinyle, en passant. Oui, avec un CD dedans gravé. Un CD d'Oasis. Un CD d'Oasis. Voilà. Vous avez reconnu Julien Bernatché. Bonjour. Toi, c'est de quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans cette émission de 70% qui culmine au sommet de la 199e qu'on fait? Ben voilà, point culminant de mes chroniques. Cette semaine, je vais faire un spécial où c'est 199e. Je vais parler de bande dessinée que j'aime. Oh, il y en a ça. Combien? T'as-tu un chiffre, vite fait? J'en ai trois. Toi? Super plate. Ça va être plate, il n'y aura pas vraiment de joke, puis ça va être ça pourquoi je fais jamais ça, là. Fait que le spécial de Julien, c'est qu'il sera pas drôle. Non, ouais, ça va être plate, c'est ça. Bah, il sort les gros canons. T'en fais quoi? On s'en reparle en janvier. Evelyne Potvin Cloutier qui est de retour. Bonjour. Est-ce que t'as amené ton livre de Dan Millman? Oui. Ah ben, ça... Avec des nouvelles toutes fraîches. On va réussir à être éduqué grâce à Dan Millman. Et puis, on a sorti les gros canons, Julie Boza. Salut! Toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? je vais vous parler de la Bible, plus particulièrement de la Genèse 19. Dieu détruit Sodome, mais sauve Lot. Quel grand homme! Oui, j'ai hâte d'en apprendre sur un des premiers héros de la chrétienté moderne, en fait. Héros! Une inspiration pour tous. On va faire un pied de nez à tous les cours d'histoire qui se donnent pas au cégep. Et voilà. Et puis, de l'autre bord, c'est Étienne Forêt. Toi, tu nous as sorti un démoniaque spécial de Noël. Bien évidemment, c'est le spécial de Noël est commencé à Radio Coche, fait que j'en profite pour faire une plug là-dessus. Radiocoche.org, on met de la musique de Noël saupoudrée un peu par-dessus la playlist ordinaire. Qui jouerait pas ailleurs. C'est ça. Puis plus le temps passe, plus on augmente la proportion. Puis à partir du 18 décembre, c'est full-time Noël jusqu'au 2 janvier. J'ai 22 heures de crap de Noël qui joue, puis vous allez voir, c'est pas facile. Fait que là, ici, j'ai apporté les meilleurs, évidemment. Puis ce que j'ai fait pour rendre ça plus interactif, vu que c'est la 199e, j'ai imprimé la liste de toutes les tunes de Noël que j'ai déjà fait jouer ici depuis les 3 ans que je participe. C'est comme un bottin, toi. C'est ben oui, trop fait que vous allez pouvoir choisir une partie de la programmation, mais j'ai aussi apporté des nouveautés à vous faire découvrir entre ça. Mais c'est dit. Et puis sinon, de l'autre bord, c'est Simon Predge. Tout est là. Pourquoi? Allez. Ben, pour la 199e, je vous ai préparé des best-of, ou plutôt the best of the worst de mes anciennes chroniques de Predge-Jean-Christ. C'était de quand t'étais sur le contraire des Valium, là? Ouais, ben, à cette heure, je me plains. Je me suis trouvé une blonde, telle, je me plains. Fait que ça me permet de continuer à vivre. Elle doit être patiente. Les femmes, hein. Ah, oh, les femmes. Ouais. Hey, ben, moi, sinon, le film qui a été voté sur le site, c'est l'excellent Monsieur Papa, version française de Santa with Muscle. C'est l'invincible Hulk Hogan. Ça fait 3 fois qu'on le propose, puis les 3 fois, il a oblitéré totalement la compétition. C'est autour de moins 7, moins 8, certains. Là, il y a un orphelinat avec 3 personnes qui font pitié, dont Mila Kunis, là, avant qu'elle aille le rack, puis tout, là. Ah, shit. Tu as rappelé à la maison? Ouais, c'est ça. Puis il y a plein d'acteurs aussi qui sont comme allés faire vraiment autre chose après. Puis fait spécial, ce film-là, Santa with Muscle, c'est celui que Hulk Hogan a avoué que c'était vraiment le moins bon de toute sa carrière. C'est quand même assez spécial. On commence fort, vu que ça n'a pas rapport ici. On va écouter... moi, j'aime bien ça. C'est Saturday Night des... écoutez ça, là, ça me rappelle Sommer. Hein. C'est la 199e émission. On est chaud. On a battu tous les pronostics. On écoute Saturday Night de Bay City Rollers. We'll be right back. OK, bonjour, ici Réal Bélan, vous écoutez Choc FM. C'est 70%. C'est impossible d'avoir 110%. 70%. C'est beaucoup mieux que 63%. 70%. Les invités ont jamais de bon sens. 70%. Avec Tommy, c'est toujours à 100%. Ouais. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Bonsoir. Ben là, vu que tout le monde fait quelque chose de spécial ce soir, je me suis dit que j'apporterais des nouvelles ordinaires. Là. Fait que à la mairie de Montréal cette semaine. Non, c'est pas vrai. Non, mais saviez-vous que Michel Brulé voulait se présenter à la mairie de Montréal? Oui, ouais, ça, ouais. Ouais. Ben, oui, j'en ai entendu parler. Par je vous en parle, ouais, c'est ça. Parle huit langues. Ce que je trouve fabuleux aussi, c'est que les gens ont comme peur qu'il gagne. Ouais, non, c'est ça. C'est clair. Ça n'arrivera pas. Là, mais... Il va débarquer de Québec, regarder vers l'est le cinquième matin. Là, puis il va arriver et il va tout guérir. Moi, c'est sûr que mon vote, en tout cas. Oui. Juste pour qu'on rit. Ben, ça va nous faire du stock douteux. Bien mieux que Louis Arel. Ah, c'est sûr. Ah, ben, là, c'est... Si tu compares avec Louis Arel. Ben, il va rendre les vélos illégaux, en tout cas. Hein. Ouais, c'est un cadeau dans le métro. D'un coup que tu tentes de voir cracher Louis Arel, c'est plus super drôle. Fait que Bruno, oui, on va faire des nouvelles. Harvey Westmoreland de Lawrenceburg au Kentucky vient de perdre deux amis. James Hill et Troy Holt voulaient lui acheter sa tondeuse pour le magnifique prix de 250$. Westmoreland n'avait payé que 20$. Lorsque les deux hommes ont découvert cette information, ils se sont sentis excroqués et ont décidé de se faire justice à eux-mêmes. Westmoreland affirme « Les choses ont escaladé assez vite et avant que je ne m'en rende compte, il y avait des couteaux et des fusils. » Le tout a reviré sur le top. C'est une traduction libre. Les deux hommes qui ont alors pris le dessus ont coupé la barbe de Westmoreland et l'ont forcé à la manger. Sacrement! Quelle hein? horreur! Ouais. Les coupeurs de barbe ont averti la victime de ne pas appeler la police, mais il a quand même appelé le 911. Les deux hommes ont plaidé coupables à des accusations de voies de fait et de menaces terroristes, un terme qui n'est pas surutilisé ces temps-ci. Non, non, non, c'est pour la tondeuse. Rappelons que la barbe de Julien Bernatchez s'est vendue 10$ à l'encan douteux de la dernière fois. Je sais pas si la personne l'a mis en pâté de viande. Là, ouais. Ouais, je le salue ce soir. En épices. Ouais. Mon collègue m'a mis cette nouvelle-là sur mon mur Facebook, je pense, pour ça. Je ne l'ai pas lu. Ah, voilà. Je l'ai là, là. Ben oui, c'est ça. Une chance, je suis là. Une chance, je me déplace pour, pour lire les affaires que sur ton Facebook. Ouais. Mieux vaut parler que paraît. On enchaîne. Vladimir Mokousnov, qui est à la tête de l'Association des fabricants de cabinets de Russie, affirme que le pays doit reprendre sa place de la pré-révolution comme pays avec les meilleures toilettes. Il nous rappelle que le 9 avril 1699, Pierre le Grand a publié un décret pionnier interdisant de jeter les eaux usées dans la rue. Mais maintenant, affirme-t-il, nous n'avons aucune réglementation pour la qualité de nos cabinets, sauf pour un document de 1972 qui parle de fausse d'aisance. Il ajoute que Moscou a un besoin alarmant de toilettes modernes. Monsieur Mokousnov a proposé de nommer le 9 avril comme jour national des toilettes. Similaire un peu au jour mondial de la toilette qui se tenait le 19 de novembre dernier, d'ailleurs. Hein? Pour ceux qui l'ont manqué. Oui, oui. Êtes-vous allé aux toilettes? Moi, je l'ai fêté. Ouais. Ouais. J'ai fait un bed-in avec ma blonde dans la salle de bain toute la journée. La journée mondiale des toilettes. C'est là qu'on a lancé la troisième foire de l'absurde également, en même temps, pour l'occasion. Exactement. Rappelons-le. Tout est lié. Bon Dieu est pas fou, dans le fond. Ouais, ça prouve que le bon Dieu est pas fou. Fait que là, dans le fond, Russie, toilette, t'as fini ta deuxième? Ouais, j'ai fini ma deuxième. Hey, ça donne à réfléchir tes affaires. Ouais. Moi, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que tu lis des nouvelles pour nous autres? C'est ça? 3, 4. Hey, ça va vite en sapristi. Ah, le temps! Quand je t'ai connu, t'étais haut de même. Oui, dans ce temps-là, tu mettais des t-shirts trop serrés. Ouais. Ah ben encore un peu. Pour ceux qui ont la couleur là, ouais. Pis toi Fred, c'est quoi, c'est quand la première fois que t'es venu faire du 70%? J'étais venu montrer mon album Ah oui, c'est vrai, le parano, là. Ouais. Puis on était des tunes connes. Puis... On était sur Sainte-Catherine encore dans ce temps-là. Oui, ben oui, c'est vrai, c'était avant le déménagement. Juste à porter des putes. Avant qu'on joue à Ouija, puis que ça nous force à déménager. J'avoue, hein, on est l'émission de radio qui ont joué à Ouija, ça, j'en connais pas d'autres. Là. On a joué au bingo à Joël également. Ça, j'aimerais mieux plus n'en parler. Les démons, c'est correct. Plus récent, il y a eu une game de bridge aussi à l'émission. C'était une couple de semaines, Evelyne avait joué. Du cribble. Depuis le temps, si jamais on rejoint un jeu de cartes en onde, je vais amener chez nous les anciens locataires. Ils ont laissé un brasseux de cartes automatique. Ah, ça c'est cool. Là, tu pèses sur le piton. Il est-tu à pile ou il faut le crinquer? Il est à pile. Plus le fun quand il faut le crinquer. Mais comment ça fait pour... Je m'excuse. Je checkerai ailleurs. Je checkerai quand ça va. Je te l'amène. Ouais, c'est ça. Au nombre d'affaires qu'on s'est amené à l'émission, hein? Oui. Hein, Tommy, vous vous rappelez? On a eu le cours de danse érotique qui s'est proposé. On a eu Michel Lozier. Patapon. On a eu quoi aussi? Capitaine toutes les Québec bleus qui est venu pas nous compter une joke. On a eu André Watty qui a impressionné tout le monde. Ouais. Edgar Bory, qui est encore notre ami, puis qui d'autre aussi? Ah, Stéphane Bureau, je l'avais trouvé très, très à sa place. Non, je pense que vous avez reçu toutes les bleus poudres un après l'autre. Daniel Gabriel, que l'on salue et qui est notre nouvel ami, lui aussi. Oui. Bonjour, Daniel. Vous avez pas reçu aussi, comment il s'appelle, là, Blue Jean sur la plage? Paul Sarrazin, qui avait le même numéro que Bruno Corbin. Quand on parle. Pire multitoxicomane. Oui, paraît-il. Quand on parle de Dan Millman, là. Oui. Dan Millman, ça serait cool de l'avoir à un moment donné. Puis là, ben, en plus, tu sais, le show arrête pas de se renouveler. Là, au début, j'avais Simon qui me faisait des jokes comme « En manchette ce soir, je vais aller passer le show à boire des bières au Sainte-Élisabeth. Salut! » Puis là, il se levait, puis il s'en allait. Fait que je me ramassais tout seul pour faire une heure de radio. Ça partit pas grand-chose. C'était des bonnes jokes, ça, là. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai cherché dans Internet. Ben là, Israël est venu, là, parce que puis là, il s'est rappelé qu'il avait déjà été un de mes chameaux à Rouen dans le temps. Ça, c'était beau, cette époque-là, quand je travaillais au microplay. Ouais, il venait tout le midi, puis là, ben, j'ai créé les chameaux, vu que c'était toute la gang de petits bums, là, qui vendaient du pot entre eux autres, puis moi, j'avais genre 23 ans, puis eux autres, on avait 14-15, là, fait que, tu sais, j'avais le droit d'être plus fort puis meilleur, fait que, là, je leur ai dit, là, je crée ma gang des chameaux, là, nos ennemis, c'est les dromadaires, parce qu'ils ont juste une bosse, puis ils essayent tellement d'être comme nous autres, puis votre mission, c'est que pour chaque poubelle dans laquelle vous mettez le feu, faut que vous jouiez une game d'échecs sérieuse. Je lui demandais, c'est à peu près les seules règles là, pour être un chameau. Ça a parti pas grand-chose. Ouais, puis finalement, ça a fait des tournois d'échecs. Là. On a acheté un jeu d'échecs au microplay, puis le midi, les jeunes, ils venaient jouer aux échecs. Il y a plus beaucoup de poubelles. Hein, ou en tout cas, ils sont inflammables, ou ils ont aimé plus jouer aux échecs que mettre le feu dans des poubelles. Là. Ce qui est sûr, c'est que ça a bien évolué, parce qu'Israël, il est venu à un moment donné pour le monde dans le feu. Pis c'était Simon Pierre qui l'avait. Le monde dans le feu, ça, c'est l'autre. Pour bonne journée. Ah, c'est vrai, excuse. Le monde dans le feu, ils ne mettent pas dans les poubelles. Puis là, après ça, ça a donné que, ouais, Israël, il a commencé à coller. Puis là, ben, toi, après ça, t'as suivi. Ouais. Bruno. Puis après ça, c'est quoi qui est arrivé? Il est arrivé que j'ai cherché, il y a trop de beaux gars. Puis que la première source disponible ou fournisseur de « Il y a trop de beaux gars », c'est Radio Cochonnerie. Puis là, vu que le nom du gars, c'était DJ George, je me suis dit « C'est un petit peu québécois ». Fait que j'ai pris une chance à l'inviter à radio. Pis ça donne bien parce qu'il habite juste à côté du brouhaha, puis il nous ramène là chaque lundi à cette heure. C'est ma plus grande qualité. C'est ça. C'est pour ça qu'on endure ces cochonneries. Parce qu'on a un lift. De Noël. De Noël. De Noël. N'oublions jamais le « De Noël » à la « Hey, Frédéric de Grand Prix, Maxime Roy. » Là, l'émission, c'est la 199e émission, mais c'est en quelle année que ça a commencé? Ça a commencé, je te dirais, fin 2005, quand Simon-Pierre est venu me rejoindre au Danemark, puis que moi, j'avais fait une saison de... J'appelais ça la cour à scrap avant, là. Puis, là, il y avait une émission traduite, là, qui s'appelait pareil, là, puis il faisait se battre des robots, là. Fait que là, on a dit, comment qu'on pourrait appeler ça? Puis c'est Simon-Pierre qui a trouvé le nom 70%. Je trouve que ça a ben de l'allure. Fait que là, bon, on l'a gardé, tu sais, c'est comme l'équation de l'humanité, là. On évolue comme un syndicat, là, à 70%, là. Puis, ben, avec ça, ça a donné, en fait, la première manifestation de 70%, on s'était fait une pancarte pour aller au match de boxe d'Éric Lucas contre Michael Kessler. Ce serait-tu le carton qu'il y a justement sur le site? Ouais. C'est la vie, c'est de l'hostie de marbre d'un bar, puis de l'autre bar, il était écrit 70% Radio Show on Shock FM. On l'avait mis en anglais parce qu'on s'est dit sûrement qu'il y a des Danois qui vont aller voir ça. Comme le match était au Danemark, puis qu'on était les seuls à avoir une pancarte dans le stade de 6 à 8 000 personnes, bondé bien dur. Bondé ou bandé, t'as dit? Sûrement bondé plus parce que Lucas, il a mangé une crise de volée. Hey, mais Michael Kessler, il paraît qu'il triche. Ah! Ouais. Ça me surprend pas. En boxe, c'est ça que tout le monde dit quand il y a quelqu'un qui gagne, là, il paraît qu'il triche. Ouais, c'est ça. Puis sinon, la pancarte est devenue légende et puis là, on est revenu puis on a fait le show. Puis depuis, c'est quoi? C'est ça, c'est 2006. Depuis l'été 2006. Et voilà. C'est que ça va vite, hein? Début été 2006. Wow. Parle-donc de ta première idée que tu avais eue pour la 199e, d'écouter une des premières puis de la commenter comme un DVD. Ouais, c'est ça, faire comme un DVD. C'est que ça aurait été cacophonie. Ouais, celle de la deux semaines. Elle était pas mal bonne, ta joke, Bruno. Là. Quatre couches de blabla, c'est pas important. Vu que dans ce temps-là, c'était juste une heure, on aurait la possibilité de le mettre à pause de temps en temps, commenter puis continuer après. Ouais, ou de le ralentir de 50%. Moi, je pense que pour la 298e, par exemple, il faudrait peut-être essayer d'avoir un commentaire audio sur toute l'œuvre de Daniel Sévigny. Sur tous les silences de Daniel Sévigny qui fait un commentaire audio sur son DVD, édition spéciale de la vie selon Daniel Sévigny. Fait que t'es en train de nous dire que tu nous prépares déjà un spécial dans deux ans. Fais-le et ils viendront, c'est bon ça. Puis c'est pas mal ça, hein. À cette heure, c'est rendu que tout le monde est le bienvenu, puis il y en a qui reviennent puis qui repartent. Puis toi, Julie, c'est ta première fois à soir? Exactement, ouais. Puis je t'avertis, Julie, hein, moi, depuis que je suis venu une fois, je suis plus qu'à m'en aller. J'ai de vraies chroniques, puis je suis tout pareil. Check, il y a des oreillers en dessous de la table, là. Tu vas sentir, ça sent le prêtre. Non, ça, sinon, il y a Julien Bernatchez qui est la dernière recrue. Toi, t'as commencé, c'est quoi, c'est l'été passé? Je peux vous raconter l'histoire de 70% à partir de mai-juin 2010, à peu près. Voilà. C'était le fun dans ce temps-là. Il faisait chaud, déjà. Oui. Je m'en souviens. Oui, dans l'email que Tommy avait envoyé, il avait dit on aime ça que les invités arrivent à l'avance un peu. Là, j'étais arrivé à 7h-2 finalement. Je dis excuse-moi, j'ai même pas eu le temps de manger. Puis il a dit t'es bien destroy. Ah ouais, j'avais là, dit j'avais... ça. Ouais, t'as dit ça. J'ai trouvé ça drôle. Je dis il est drôle ce gars-là. Ça va être correct. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Ah, il faisait chaud en estime. Il y avait pas de neige. Il y avait pas de neige. Non, pas dans ce temps-là, non. Rappelles-tu, dans le temps qu'il y avait pas de neige? C'était Noël. Je portais des pantalons. Non, c'était pas. C'était pas Noël. C'était pas Noël non plus. Dans mes souvenirs, non, c'était pas Noël. Quoique. On était en dedans du 2 mois du Noël du campeur. Ça veut dire c'est Noël du campeur de Noël. C'est ça. Et voilà. Je pensais pas que c'était. Toi, Evelyne, c'est quoi? Ça fait 2 ans que tu viens une fois de temps en temps? Oui, ça doit faire ça à peu près, oui. 2 ans, c'est bon. Ça a été la première présence féminine. Là. Avant, on avait une sexologue qui n'avait pas rapport. Il y avait Jessica avant. Ah, c'est vrai. Il n'y a personne qui a parlé de Jessica. Hey, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Jessica, le sage. Celle qui s'est auto-éjectée. Non, je pense qu'elle s'était juste accrochée sur le piton. Ouais, peut-être. Elle n'a jamais retrouvé son chemin jusqu'à nous. On la salue et on la remercie. Ben oui, c'est vrai, il y avait les gogo gadgets. Puis en plus, il faisait des espèces d'ententes avec Étienne. Puis il me faisait des surprises des fois. C'est ça? Ben ouais. Je me souviens pas d'avoir. Ben ouais, tu disais, non, c'est moi qui s'en occupe là, de l'audio en background. Ouais, je m'attendais pas, c'est ça. On me passait les commandes de musique poche à faire jouer en background. Et voilà. Pendant ces chroniques. C'était l'ancêtre du patinage de l'émission, dans le fond. C'est lui qui avait parti ça. Ici, on n'aime pas ça, les potins. On n'est pas du genre à parler entre nous autres d'affaires qui intéressent personne d'autre. Non. Vraiment non, pas. Non. En tout cas, dans ce temps-là, on faisait pas ça. En tout cas. Fait que, parlant de ça, merci tout le monde. On lâche pas. 199, ça va être. C'est l'heure de notre tune. C'est la toune qu'on a préparée pour la 199e émission à Capella. OK. Ah. C'est quoi vos faces? Oh non, dites-nous pas, vous avez pas reçu l'email. On s'en prendra la 298e. Improvisez ça. Une chanson à Capella pour la 199e. OK. And the 1, and the 2, and the 3, and the 4. La 199e, 70%, c'est la 70%. Et on est toujours avec de l'espoir dans le cœur. De l'espoir pour 70%. Et jusqu'au plus loin de la vie. OK, on recommence. Hey, on l'a. Ouais, on est bien meilleur que l'an pratique. Ouais, l'année prochaine, j'enverrai peut-être pas d'email finalement. C'était meilleur de même. Ben, je lis pas les mails que tu m'envoies. Particulièrement les tiens. Oui. Oui. Hey, bon, rendu là, c'est quoi qu'on fait? On va écouter DJ George qui va nous. Mix nous Naël. Avant là, j'ai du courrier ici. Oh, de Naël. À 70% à gmail.com, du courrier de Noël. Premièrement, on a Israël Trudel-Denis qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est sa première journée de stage en entreprise, fait qu'il sait pas s'il va être là. Nous autres, on le sait, il est pas là. On a également Lilian Choute, notre fan français numéro 1, qui nous écrit « Salut à tous, ma belle-sœur m'a refilé le CD d'un groupe français lyonnais, entre parenthèses, totalement inconnu, La Maison de Zaya. C'est plutôt pas si mal comme truc. Bref, si vous voulez encourager un petit groupe, et il nous donne un lien et une toune qu'on fera probablement jouer plus tard ou la semaine prochaine, parce que là, on est quand même un peu serré. Salut Lilian! Mais Lilian, on la garde en banque. Lilian, bonjour! Bonjour Lilian. On t'aime Lilian. On a également Jean-Philippe Cardin, alias Benoît Mercier, qui nous dit tout le temps qu'ils sont pas la même personne, mais moi, je les crois pas. Je le crois pas, pardon. Qui nous dit « Salut la gang, je tenais à vous partager un petit fait intéressant, puisque c'est aujourd'hui que je dois envoyer par la poste le cadeau de Peta Waller Bryant, une Australienne avec qui j'ai été matché pour le programme Reddit Gifts. Si je vous en parle, c'est pas juste pour remplir du temps dans votre émission, mais parce que je vais propager la bonne nouvelle de douteux.org au-delà de notre frontière physique et linguistique, car en plus de son cadeau, un tablier au thème de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, j'y ai joint une copie du Doutorama volume 1 que j'ai acheté à la Foire de l'Absurde. Malheureusement, les règles et le bon goût m'ont empêché d'y annexer le spécial sexe, qui d'après moi passe plus la barrière de la langue et de la culture, mais bon. Peut-être si elle le demande. J'ai aussi traduit le paragraphe de la mission du douteux afin de la mettre en contexte, sinon je n'ai pas l'impression que le DVD va rester longtemps chez elle. Ah, je vous cool. garde au courant si j'ai une réponse de sa part. Bonne émission, JP. Yeah. Mais il est gentil, dis-nous donc qu'il nous l'envoie la traduction. Ouais. Ben ouais. Fait que je te le dis là, Jean-Philippe. Envoie-lui la traduction. Il va nous écouter, lui. Il disait qu'il était bien content, là, qu'il nous écoutait régulièrement ses mardis matin dans le boss. Et voilà. Fait que c'est... demain, il va le savoir. Ben aujourd'hui, pour lui, mais. Pour lui, c'est ceux qui sont live demain. Imagine quand ça va être rendu en Australie, comment ça va être compliqué expliquer ça. Sinon, on a Jonathan Poitras, un nom que je connais ici, qui nous écrit Salut la gang, je vous envoie ce message juste pour vous dire que je suis en train de vous écouter. Parce que la preuve, c'est que ça s'appelle 199e, son message. Donc, j'adore votre émission. Merci à DJ George de me l'avoir fait découvrir, ainsi qu'à plusieurs de ses élèves. Parce que oui, c'est un de mes élèves du cours de réseau. Le plus fatiguant, je dirais. Ah, bon, je retourne les travaux pratiques. On l'invite? Non, on n'est pas obligé. Fait qu'on salue toute ta classe. Oui, on les salue tous. Et puis, n'oubliez pas de finir votre activité synthèse, hein, parce que c'est à remettre vendredi. Sinon, si vous voulez des points secrets, il faut, vous rappeler. Mais l'indice, on l'a dit au début de l'émission, il fallait écouter. C'est ça, exactement. Il faut le décoder, en plus. Sinon, il y a Andy Jock qui nous écrit « Wow » comme titre. Et ce message contient le mot « hostie », tout simplement. Alors voilà, merci Andy. On le reconnaît bien là. Chapeau vous fait, mettez-le. Et voilà, en tout cas, je pense qu'il y en a qui se reconnaissent. Bon, ben merci, ça veut dire qu'à passer ça, on n'a plus beaucoup de manières de s'en sauver. Ouais, là, on n'a plus le choix. Faut que quelqu'un me choisisse une toune de Noël. Je veux commencer. Non, il va en ordre de vieillesse ici, c'est là, voir. Ah, c'est une bonne idée. Ah ouais, c'est ça. Fait que le premier, c'est Simon-Pierre, puis Simon-Pierre, c'est sûr qu'il aurait choisi Jacinthe Vive le vent, c'est sûr. Ouais, ça, c'était clair. Ouais, c'est ça, j'allais demander de toute façon. Bon, ben, fait que tu viens de skipper ton tour, man. Non. C'est la meilleure version de Vive le vent de tous les temps. De tous les temps, oui. De tous les temps. Voilà. Ah, déjà, là. Yeah, waking up at the black door. Et voilà. Bruno, tu l'as pratiqué? Oui. T'as pas pratiqué à bonne tune? Ça, je pense, c'est au moins la quatrième fois que je l'ai fait jouer ici. Ah, puis c'est jamais assez. On n'est jamais étonné. Moi, j'apprends pas de bandage. Neige blanche. Avec sa canne à la main. On va se partager, c'est le mieux, puis moi. Ok. Elle est sensuelle de Noël. Oh oui. Vive le vent. Vive le vent d'hiver. C'est une des chansons qui m'a fait réaliser que dans le fond, toutes les fêtes sont rendues décalées. Hein. Tu sais, la fête du partage, de l'acceptation et de l'amour universel, c'est rendu l'Halloween parce que tu donnes des bonbons à des zombies sans être perplexé du fait de leur apparence. Noël, c'est rendu la vraie fête de l'amour, comme la Saint-Valentin, parce qu'à la Saint-Valentin, t'es supposé pas lâcher ton chum. Puis la journée de l'année où il y a le moins de couples qui se défont, c'est la journée de la magie de Noël, c'est vrai. Puis après ça, Pâques, c'était comme du chocolat. Fait que là, ben, c'est rendu à la Saint-Valentin qu'on donne du chocolat. Puis là, ben, à Pâques, c'est quoi? On est rendu qu'on a plein de bonbons parce que c'est comme l'Halloween avant. Fait que c'est les lapins. Oui, les lapins de l'Halloween. Les lapins de l'Halloween. Non, mais c'est normal. Ça, c'est comme la dérive des continents. Je veux dire, tu peux pas empêcher ça. Ça va tout décaler. Oh, oui, ça va dérive du calendrier. Un jour, Jacinthe va être la plus grande chanteuse dans l'humanité. Hein? Oui, on attend. Quand la dérive des continents va être terminée. Ouais, c'est ça. Ben, l'Atlantide, il paraît que c'est vrai. Ah ouais? C'est vrai. Ah oui, ça, c'est le bout de slam. Il paraît que le talent de Madame Simard aussi, c'est vrai. Mais okay, c'est juste qu'il a coulé il y a longtemps, c'est tout. Ah, c'est tellement Noël. Hip, hop, hip, hip. Jingle to the jungle bells. Jingle your junk. Fait qu'on l'a écouté au complet, tu es en train de me dire. Presque là. On l'achève, on va passer au travers. C'est à 199e, on va laisser. OK, ben. Ah non, mais on en a d'autres demandes spéciales. Ah oui, je choisis de pas en choisir. Depuis qu'on m'écoute, moi, ben moi, il y en a un qui m'intrigue, là, c'est Pierre Alain. Ah, ouais, OK. Le choix de Bruno. Eh oui, Pierre Alain, OK, c'est comme le Serge Gainsbourg des pauvres, OK, fait qu'on passe ça ici. La réunion de famille à Noël. En as-tu joué il y a pas longtemps, ça se peut-tu? Je l'ai joué l'année passée, je pense. Ah, okay. C'est pas si longtemps. Ça passe vite, hein, oui. Ça passe vite à 70%. C'est vrai, hein? En bonne compagnie. Eh oui. Toujours. De Noël. De Noël. Oh, calice. Et voilà. Ça, c'est vrai, ça, c'est... C'est lui, là, c'est vraiment lui, ouais. Ça, c'est pas quelqu'un qui est en train de faire ça dans son micro. Ouais. Hop, la Journée internationale de la toilette. Mais là, arrêtez de parler par-dessus. Hey, OK, j'aimerais dédier ce grand moment de radio à mon ami Jonathan Cacro, qui est à Paris. Dans quelques instants, on sera réunis en famille comme par le passé. Jonathan, c'est pour toi tout seul. Point, je vois point dans la petite étoile. C'est dur à prendre au sérieux. Légère. Le choix de Bruno. C'est très bon, ça. C'est dur à suivre, ça. Joyeux Noël. C'est la traduction de Stallone en français. C'est la voix de Stallone en français. C'est possible, oui. Jonathan Cacro, c'est lui qui nous avait lu du Normal Amour de façon exceptionnelle. Ah oui, puis ouais, il voulait plus s'arrêter. Là. Notre narrateur vedette. Ça, c'est 2 minutes et demie encore comme ça. C'est-tu comme sur un album? Ça fait partie de son spécial de Noël? Je sais pas c'est quoi. En fait, ça, c'est un... ça vient de France aussi. C'est le fan français numéro 1 de Radio Cochonnerie qui m'a envoyé ça par email. Fait que je sais pas trop. D'où ça sort, lui-même, il était pas sûr. Il me shootait ça de même. Ça doit être un peu humoristique, quand même. Peut-être, mais c'est pas vraiment super drôle non plus. Hey, vite de même, Étienne, je pense à ça, le flash. Là. Mettons, dans les emails que tu viens de nous lire, là, est-ce qu'il y en a un qui commence pas par « Salut la gang » à part « Wow » puis « Hostie » C'est vrai, les deux autres, ça commence par « Salut la gang ». C'est nous autres. C'est nous autres, ça, la gang. On est la gang. Faudrait flasher Noël, quelque chose par principe. La gang de Noël. M'a flashé la toune, moi. ça fait du bien. ça, on peut la continuer encore ou vous pouvez l'interrompre avec d'autres choses. Là. Ben, moi, je suis. Vas-y. Non, après Bruno, on est rendu à DJ George, en fait. Ah oui, c'est vrai, par l'ancienneté. Ah, dans l'ancienneté, OK. Fait que d'abord, je vais en prendre une qui n'est pas sa liste, moi, tant qu'à faire. Ah, bon, regarde. Moi, j'ai une liste secrète. Je vais vous faire jouer quelque chose de pas pire. La liste secrète. Comme quand tu vas dans un restaurant chinois et que tu commandes quelque chose qui n'est pas sur le menu. C'est ça, parce que tu es avec un chinois. Fait que j'ai apporté ici, vous vous rappelez de Zezette. J'ai apporté l'album de Noël de Zezette. Un joyeux Noël avec Zezette. Alors, qui chante ici une poupée pour Noël. De Noël. C'est pour toi, Tommy, et tous les amoureux aussi. Pour Noël, hein? Wow. Pour Noël, une poupée, s'il te plaisait de me la donner. Si Andy, son hostie, était à placer où on veut, je pense que c'est maintenant qu'il l'aurait mis. Ça serait un bon moment, j'avoue. Andy, pour toi, hostie. On garde le wow pour plus tard. Ouais. Je vais baisser les micros autour, on va se baigner un petit peu de zézette, puis en revenant, ben, on va écouter Julie nous parler de Lot, parce que je pense que ça va être à propos. C'est ça. Pour Naël. S'il te plaît, mon bon Père Naël. Père Naël. serrer doucement nos deux comme nous pourrons danser. Ensemble, nous allons jouer. Poupée, tu seras bien à moi. Jamais je n'irai loin de toi. Et la journée sera plus belle comme un jour de Noël. Donne-moi pour Noël une poupée. Pour Noël, pour Noël. Donne-moi pour Noël une poupée. Je te supplie de me l'apporter. J'écris une lettre au bon Père Noël. Bien sûr, il va se rappeler que je veux une poupée qui me parlera, me sourira, marchera, m'aimera. Oui, donne-moi pour Noël une poupée. Je suis venue pour faire une chronique sur la jeunesse 19. Morceau s'intitulant Dieu détruit la ville de Sodome et sauve Lot. En commençant, je tiens à spécifier que tous les faits que je vais relater sont issus de la Bible. Donc, sont vrais. Exactement. Pour une trop grande majorité de la population. Toute oui. ressemblance avec des gens ayant déjà existé est volontaire, là. C'est ça. Donc, oui, je consens que je les amène d'une façon humoristique, entre guillemets, mais il n'y a pas d'exagération et la suite des événements est bel et bien chronologique. De plus, je cherche par le biais de ce récit à éveiller un questionnement autour de la moralité de celui-ci. Car l'Église, en fait, se sert des premières lignes de ce passage afin de condamner l'homosexualité, mais omet tout le reste, nous le verrons, qui est tout à fait immoral et répugnant. Donc, pour débuter, j'aimerais un peu dire, mais qu'est-ce que Sodome? Sodome, c'est une ville de sodomites, luxure et décadence. Mmh. Et donc, qui dit sodomite dit éradication de ceci, mais par qui? Par rien de moins que Dieu le Père en personne. En fait, Dieu va choisir Lot et sa famille, parce que Lot avait déjà fait preuve de foi par le passé, donc il décide de le sauver. Pour moi, bon, ben, quand on sauve le meilleur, c'est vraiment le meilleur, mais nous verrons que cela laisse à désirer pas mal. Donc, Dieu dépêche deux anges chez Lot pour lui expliquer exactement ce qui va se passer. Ceux-ci arrivent et commencent à jaser tranquille avec lui, tandis que les hommes du village se réunissent à la porte de chez Lot et cognent. Lot y va et demande ce qui se passe, ce à quoi les gars du village répondent texto, dixit la Bible. « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. Mmh. » Et voilà. Et voilà. Ce à quoi Lot répond en toute simplicité. « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai deux filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener. Vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sous mon toit, je dois les protéger. Cadeau. » Donc voilà, c'est très humblement que Lot offre ses deux filles vierges. Enfin, donc, yeah. Mais les gars de Sodome ne veulent rien savoir, ils veulent vraiment les deux anges. Donc s'ensuit une dispute où les anges se mêlent et rendent quelques villageois aveugles. Finalement, l'un dans l'autre, tout le monde rentre chez soi et la discussion peut reprendre son cours. Oui, et donc les anges expliquent qu'il faut fuir très loin, mais Lot il veut pas aller très loin, donc il dit bon ben je vais m'arrêter à Soar. Les anges disent ok. C'est correct finalement. Mais ils disent point d'exclamation, fuis pour sauver ta vie, mais ne regarde pas derrière toi. Oui voilà. Donc le lendemain matin première heure, Lot fuit avec sa femme et ses deux filles encore vierges. Je dirais encore vierges jusqu'à ce qu'elles ne le seront plus parce que c'est bien. Et la femme de Lot décide de se retourner. C'est alors que, paf, transformation, statue de sel. Ah. Et donc, il est dit que c'est la Bible. La femme de Lot regarde derrière elle et elle devient une statue de sel. Au parfum de chez Loche. Et en fait, le paragraphe de suite après, c'est juste une description de quoi ça a l'air Sodome détruit. Fait que dans le fond, on sait pas plus ce que Lot et ses deux filles pensent de tout ça. Encore vierge. Oui, encore vierge, désolée. Oh, merci. Merci, tu suis. Oh, je suis vraiment très intéressée. Donc c'est ça. Donc finalement, bon an, mal an, Lot et ses deux filles, encore vierges, arrivent à Soar. Mais Lot, il aime pas trop ça, fait qu'il décide d'aller vivre dans une grotte, dans une montagne, et ses filles, encore pucelles, décident de l'accompagner. Ah, oh, mais là, les anges n'avaient pas dit oui là, pour la grotte, ils avaient dit oui pour Soar. Ouais. Ils sont plus là, les anges. Ouais, c'est ça, ils sont partis, ils ont détruit la ville, c'est correct. Fait que là, le crunchy arrive. On va prendre les crunchies ce soir. Donc, le crunchy arrive parce que ils arrivent toute la gang là-bas, et les deux frangines à l'hymen encore intactes et aux hormones dans le tapis ont une idée. Et l'aînée propose donc à la cadette: notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour se marier avec nous comme cela se fait partout. Viens, nous allons lui faire boire du vin. Ensuite, nous coucherons avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. Et voilà, ainsi naquit Valleyfield, je pense que ça commence par ça. Soar, c'est le nom indien de Valleyfield. Fait que c'est ça, une très belle cause que de... Oui, que de poursuivre la descendance. On suggère ça à tout le monde pour le temps des fêtes, hein? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, man. Ça implique c'est l'alcool temps, là, aussi, ça. C'est ça qui est le fun. Écoute. Donc, voilà-t-il pas que les deux seraient sous le papa et que l'aîné couche avec ce dernier? Et il est dit dans la Bible, Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Donc, on peut imaginer à quel point il était sur la brosse. La friction. Et on peut s'imaginer le lendemain la gueule de bois en se levant. Mais, les filles ne reculant derrière, je sais plus, là. Le lendemain, l'aînée encore pleine du sperme paternel dit à la cadette encore vierge, mais plus pour longtemps. Alors, elle dit: c'est fait, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Donnons-lui du vin à boire cette nuit et tu iras coucher avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. Hey. Votre père qui est aux dieux. Fait que lui, il se remet difficilement de sa brosse. Ben non, pas en fait difficilement, puisqu'il est reparti sur le piton. Fait que. C'est ça. Une brosse n'attend pas l'autre. La boisson pour des dieux. Il y a un foie bien musclé. Quand tu vis d'une grotte, hein. Ben en tout cas, il emmène pas mal de bouteilles de vin. Ils avaient de quoi de prévu. De toute manière, ce qu'on sait, c'est ce qui est sorti de la grotte aussi. C'est là. Ça. J'ai jamais touché à mes filles, sauf une fois dans la grotte. Puis dans le fond, donc là, un beau petit copier-coller pour bien insister que Lot, il est vraiment à côté de ses pompes et il se rend compte de rien. Donc ça répète vraiment Dixit. Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. D'un coup, fait qu'il reste pur, même s'il a fourré ses deux filles. Ouais, voilà, c'est pas de sa faute. Hey. C'est pas de sa faute. C'est une défense, ça, là. Puis c'est ça, justement, c'est que la beauté de la chose, c'est que le paragraphe d'après, ça dit simplement: les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. Simplement! C'est comme, et voilà! Dans la Bible, mot à mot, là. C'est ça, la boucle est bouclée, genre, ouais, lui, il se pose pas de questions, c'est ça, il sait pas. Ouais, t'as pris du poids, ça a l'air bon, la Bible, je vais peut-être la lire, finalement. De toute façon, c'est un best-seller, ça a l'air. depuis qu'Oprah en a parlé. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, de plus aussi, j'aimerais me poser une question quant à la semence surpuissante de Lot et à la suprafertilité de ses filles, parce que one shot deal, ça marche. Mais familial, ça connecte super bien, ça a l'air. Hein? Ça reste dans la famille. Hein? Fait que, en tout cas, j'aime beaucoup ce passage, tant pour son immoralité que l'enchaînement saugrenu des événements. OK, bon, je peux comprendre que l'Église s'en serve de deux secondes des gars de Sodome qui veulent coucher avec les anges pour condamner l'homosexualité. Mais après tout, les questions sur la moralité de ce récit sont vraiment encore plus présentes quand tu lis tout. Donc, sauver Lot, c'est sauver le meilleur. Mais dans son cas, meilleur veut dire sodomite repenti, mais incestueux de ses filles et n'ayant pas hésité une seconde à donner, à les donner à, aux hommes de son village, dans le fond. Dégueulasse. Donc, ouais, c'était pour sauver les anges, c'était un sacrifice. Oh, oh my god. Tu vois ça comme ça. Donc en fait. Biblique. Biblique. Si je peux me permettre donc, aussi, ça n'a pas rapport, l'homosexualité. Un ange, c'est pas, ça n'a pas de sexe. Ouais, c'est pas un ça, être oui. humain. Ouais, tu ne couches pas avec un autre ouais, homme. Mais eux, ils croyaient que c'était des hommes. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas leurs ailes. Quand ils sont allés leur demander. Ils n'avaient pas leurs ailes. Ils n'ont pas dit je veux coucher avec les anges. Ils ont dit t'avais deux gars tantôt. Ils n'avaient pas leurs ailes, puis ils étaient assez impuissants aussi. Ouais. S'ils n'ont rien en fait, dit, quand les deux filles étaient pour être données. En fait, c'est contre la sodomie, je suppose, plus que contre la OK, ouais, c'est un trou pour sortir. Fait que, ouais, c'est ça. La sodomie, c'est n'importe quelle relation sexuelle qui ne sert pas à la reproduction. Ouh. Donc, fellation, relation vaginale avec un condom, c'est toute la sodomie. Pour vrai? Ouais. Qui l'a cru? Ouais. Oh. Allez, on grandit. Ah, c'est intéressant. Merci, Bruno. Merci, Bruno. En fait, c'est ça, je pense qu'on ne peut pas rester dans marbre. Dans un bas plein de patates chaudes, tu oui. OK. Sodomie. Donc, en fait, c'est ça, je pense qu'on ne peut pas rester de marbre suite à ce passage et qu'il est de notre droit, même voire de notre devoir, de nous voir submergés de questions. ça a comme pas de sens, c'est vrai. Genre, Lot, c'est ça, il est blanchi, il est sauvé parce qu'il a la foi. Et en plus, c'est pas lui le dégueulasse incestueux, non, c'est comme ses filles qui l'ont violé. Il a été vraiment victime d'un viol, mais un viol noble. Parce que c'était pour la descendance. Ben oui, c'était vraiment ça. Pour avoir des enfants et des petits-enfants. Hey, parce qu'il voulait pas sortir de sa caverne. Attends, je peux-tu répéter les mots qu'elle vient de mettre un après l'autre? Oh, viol ouais. noble. Un viol noble. Ouais. Wow. Ouais, dans le temps, ça on n'entend pas assez souvent dans les procès, ça. C'est terrible, hein, parce que c'est ça, mais c'est vraiment la ce qu'on 199e, essaie. Le 199e, t'as bien fait de venir aujourd'hui, je trouve. Non. C'est notre épique. Ben, c'est ça. Un viol noble. Fait que ça, on est vraiment dans la Genèse aussi, c'est au tout début de la Bible. Oui, je cherchais encore hein, c'est les fondations du livre oui, le plus fond, important de l'humanité. Ça. Le Coran, c'est ce que les grosses religions ont gardé. Là. Et voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Julie. J'espère que tu vas revenir nous reparler à un moment donné d'une affaire qui t'a levé le poil dans le bas du dos parce que moi, j'ai du poil dans le bas du dos puis il est levé présentement. Invité, biblique, invité, biblique, invité, biblique. Pendant que les amis ils se cantent d'invité biblique, là, moi, je vous fais écouter une petite toune là, de Risez pas des enfants pauvres de Damien Blasbouchard qui est un collaborateur important à l'émission. Ça fait longtemps qu'il est passé nous la chanter, mais cette acapella, c'est pur, man. C'est Damien. Ne risez pas des enfants pauvres, puis on revient à 70% pour Bernard Chose, là, puis des nouvelles, puis le reste. Il faut parler de Santa with Muscle. Non, ne risez pas des enfants pauvres qui ne pourront manger la soupe de demain. Non, ne risez pas des enfants pauvres qui ont des mouches qui disent j'ai faim. La poutine ou rien, le cheese à l'air, le pâté sort chinois, la toast de croûte au beurre, c'est le manger des crèves, la faim, des 10 doigts séchés qui vous tendent la main. Non, ne risez pas des enfants pauvres, mangez votre main le lendemain. Vous riseriez pas des enfants pauvres le lendemain, sur le cœur une seule main. Non, ne risez pas des enfants pauvres, aimez les pauvres enfants qui ne risent pas d'être pauvres. Cher Père Noël, comment vas-tu? Moi, ça ne va pas très bien. Il y a un très très méchant monsieur qui s'appelle Elmer Frost et qui habite sur la colline. Il y a des gens bizarres qui travaillent pour lui et je crois qu'ils vont faire quelque chose de très vilain pour la Noël. Ah, ah, ah. année, je ne demande rien pour moi. Mais les choses sont plutôt difficiles pour mes amis et les gens de notre petite ville. Monsieur Frost et ses hommes ont été très brutales avec tout le monde à Lakeville. C'est là où j'habite. Nous étions tous très heureux, mais maintenant, beaucoup de gens s'en vont tellement Monsieur Frost, il est méchant avec eux. Depuis quelque temps, il essaie de prendre notre orphelinat et personne ne peut l'empêcher. Ça n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est la seule maison que nous avons. Je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment, mais j'ai pensé que, comme tu vas passer près de chez nous, tu pourrais peut-être t'arrêter un petit moment pour nous aider. Si Rudolf et ton autre reine ne sont pas prêts, tu pourras prendre une voiture ou un vélo. Et toi, reviens ici! Reviens ici! Mais attendez une minute, mais qu'est-ce que vous faites? Arrête! Reviens ici! Reviens! J'ai bien peur, où travaillent les choses, que c'est le dernier Noël que je passe avec mes amis. Je sais qu'il ne reste que quelques jours d'ici là, alors s'il te plaît, dépêche-toi. Puisse le ciel accomplir mon vœu. Elizabeth Bentley Walsh. P.S. Je t'embrasse de tout mon cœur. Ah. Ouais. Hey, était-tu temps, là, Café Nice? Il a donné, hein. Père Noël. C'était pas une séquence du film d'asseoir. Le film d'asseoir ouvre, en fait, sur Père ce speech-là. Apporte tes muscles. Ouais, c'est ça. la semaine passée, j'étais au chapitre de Québec, voir comment ça se passait et adouber un nouveau bénévole, Paul-André Cara, qu'on welcome dans la famille. Le gars est vraiment motivé, puis c'est beau à voir. Il a fait des muffins à soir, érable, noix et bacon pour tous les invités du visionnement douteux de ce lundi de Noël. Sinon, tout l'étage du bas est rendu dédié aux douteux. Yeah. C'est vraiment génial, là. C'est très grand, c'est une des plus belles salles qu'on a. Puis même le speaker qui joue dehors là, lance des phrases du douteux. Ça veut dire que la semaine passée dans Star Odyssey, je suis allé dehors être subtil. Puis là, j'entendais parler du capitaine d'or qui était sur la planète Mange-moi le nœud avec... Hey, j'ai eu un choc, là, pour vrai. Sinon, à Shawinigan, grâce aux efforts de M. Tremblay Isaac, on est à environ 40 personnes par semaine. Déjà? Oui, ça va vite en sapristi, mais là, le gars, il avait déjà un background de bizarre, et puis il attendait juste une espèce de véhicule pour amener son affaire un petit peu plus loin, puis véhicule qu'on lui a fourni allègrement. À Rouen, ils sont à 20 personnes, c'est à peu près 10 fois plus qu'ils pensaient qu'ils étaient pour être à ce moment-ci dans l'expérience. c'est très heureux pour tout le monde. Et puis, à Sherbrooke, ils sont à 25, c'est loin de péricliter parce qu'ils pensent peut-être changer de la petite salle où ils sont pour amener ça partout dans la place. Ça veut dire que c'est pas mal en santé partout, notre affaire, considérant qu'au brouhaha, on devrait avoir des nouveaux speakers cette semaine. Qui crachent en avant, donc ça veut dire qu'on va avoir les deux salles encore plus, on va pouvoir comprendre le film partout. On va pouvoir monter des foules de 300 personnes qui vont venir regarder des affaires impossibles. Aussitôt qu'on trouve des VHS en surround. Là. Et voilà, Bruno, t'es là-dessus avec Daniel Sévigné. Sévigné puis des VHS en surround. Mets Daniel Sévigné avant, okay, si tu permets. Là, on va t'aider pour les VHS en surround. Sinon, c'est quoi? On cherche un bénévole qui est spécialiste en base de données. On travaille sur un nouveau site web avec douteux.org. On aurait besoin d'un programmeur motivé pour nous monter une base de données en programmation. Je pense que c'est PHP ou MySQL. Ça pourrait compter pour un travail final d'un de mes cours. Là, s'il y a des PHP ou HQL? Mais ils savent. PHP, MySQL, si quelqu'un s'en visait, là, il sait plus que moi, en fait. Okay. Ouais. Puis c'est quelque chose de relativement facile à monter pour quelqu'un qui connaît ça, mais nous, on connaît pas ça, puis on a besoin d'aide. On pourrait demander y a à Alexandre et tu. Disons que... nomme-les pas, là. Il y a quelques pièces qu'on peut déboucher, mais à la base, là, c'est qu'on n'a pas d'argent. Il va être content de faire c'est bénévole nous autres, qu'on cherche. C'est quelqu'un qui veut nous aider. On paiera une pince. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un ici qui faisait du cash avec ça. Là, on commencera pas, là. Hey! Sinon, je commence à parler du film. C'est Monsieur Papa. Je vais déglutir assez vite, vous faire écouter une autre séquence, puis après ça, je vais avoir booké mon affaire pour la journée, ce qui va nous amener à Bernatché et son appréciation des BD puis des Raymond E. Monsieur Papa, parce que c'est la traduction de Santa with Muscle. Moi, j'avais jamais vu ce film-là avant tantôt, parce que dans le temps qu'on louait du douteux ou qu'on était pas mal dedans, qu'on commençait, Hulk Hogan, j'en avais le plein de cul, parce que moi, la lutte, je trouve ça vraiment niaiseux. C'est super romantique. Je déteste le mouvement de lutte. Je déteste toutes les valeurs qui traînent autour de la lutte professionnelle. Je comprends pas pourquoi que ça existe. Ouais, mais on dirait que parce qu'ils savent que c'est arrangé, ils ont le droit d'être odieux les uns envers les autres. Les combats extrêmes, quand t'as gagné, ben t'aides l'autre à te relever, puis c'est correct. Tu sais, c'était juste de voir c'était qui le meilleur, puis on va se reprendre la prochaine fois. Ouais, en lutte, quand t'as gagné, ben il faut que tu traites l'autre d'un hostie d'enfant de chienne, puis tous ceux qui l'aiment comme des étrons. Mais oui, mais ils ont quand même le même backstory. Dans le même, c'est encore pire, c'est ça que je veux dire. C'est que le paraître en lutte professionnelle est rendu quelque chose qu'ils ont décidé d'abandonner un contrôle ou une espèce de morale parce que tout le monde le sait que c'est un show puis qu'ils se parlent en arrière. Mais t'as pas le droit, t'sais, ils sont tous en train de se suicider ou d'être sous des cossins qui ont pas rapport. Là. Comme dans le milieu des magazines et de la mode. Ouais, ben voilà. Donc, moi, j'ai jamais vu ce film-là avant tantôt. Quelle idée quand même. Quelle équipe aussi, parce que j'ai reconnu plein de monde dans ce film-là, puis je nomme quelques-uns des acteurs qui ont eu le privilège d'aider à la complétion qui était le projet de Monsieur Papa. Il y a Clint Howard, le très repoussant petit frère du réalisateur Ron Howard, Ed Bingley, dans le rôle du méchant Monsieur Frost, que tout le monde va reconnaître. Kevin West, c'est un petit peu un look-alike de celui qui faisait Boris dans GoldenEye, là. Il était, entre autres, dans Biodome. C'était lui qui était le boss des méchants scientifiques. Il y a Mila Kunis, qui était dans That 70 Show, qui était en arrière de sa paire de boules, et qui fait aussi la voix de Meg dans Family Guy. Et puis, il y a surtout, en fait, Hulk Hogan, le gars qui gagne au vote des projections du lundi chaque fois qu'il est proposé qu'il oblitère la compétition. Santa with Muscle est une réalisation de John Merlovsky qui est en... Il en est à 17 films sur IMDb, en comptant ce qui va sortir en 2011, dont 5 films sur Noël et 4 remakes de classiques de l'horreur, dont Amityville, là, puis je comprends pas c'est quoi son pattern, là. Peut-être c'est de soutirer de l'argent puis de profiter de la magie de Noël, là. Que rajouter ici? Ben, Hulk Hogan, dans le film, joue un millionnaire méchant qui se retrouve amnésique, habillé en Père Noël et amené à botter tellement de cul que la magie de Noël se fait ressentir de toutes sortes de manières à toutes sortes de malfrats. Il y a un orphelinat prétexte dirigé par la babe mandatoire, un elfe méchant stupide qui veut abuser de l'amnésie de Hulk et un méchant riche non amnésique qui désire plus que tout détruire l'orphelinat pour accomplir son destin de méchant. Rien de bien nouveau sous le soleil que ce film, mais assez insultant pour que l'on en fasse un cas. Ouais. 3 enfants dans l'orphelinat, puis un sidekick noir qui parle puis qui donne des conseils puis qui a la sagesse, là. Ouvre grand pis aval. Sinon, je vais prendre le vide du film de ce soir comme prétexte pour faire une petite bio sur Terry Jean Bollea Hulk Hogan. Ah ouais. Ah ouais. Il est né en Géorgie, le gars. Il est pas né en grec, le territoire grec, comme il y en a qui disent. Ben, comme le colonel Sanders, là, il est pas né au Kentucky. Non, c'est ça. Un des grands lutteurs ever, bon, c'est sûr. Il a réussi à amener le sport, entre guillemets, dans presque tous les foyers en Amérique du Nord. Grand amoureux du spectacle, il joue de la bass et n'a utilisé des stéroïdes dans son passé qu'à partir de 1994, année durant laquelle on a appris qu'il s'était parjuré plusieurs fois dans le passé quant à sa consommation du stuff. C'est arrivé, je pense, de mémoire, 3 fois qu'il y a eu des gros procès sur la WWF et qu'il l'amenait, lui, à comparaître et à dire « Est-ce que t'as pris des stéroïdes sur la Bible pis tout? » Puis il disait « Jamais, fou, pour te faire ça! » Sauf en 94, une fois au chalet, ça comptait pas, c'est ça. Et puis, ben, n'étant en rien un fan de lutte ou de sport de combat arrangé, je considère surtout que ce sont ses nombreuses apparitions à l'écran et au cinéma qui ont un rapport direct avec le douteux. Si vous me parlez de son combat contre Yokozuna ou de la fois qu'il a battu André the Giant, je m'en calisse. On a déjà écouté ici No Holds Barred, ou Combat à finir à moins 7, et on a savouré tous les épisodes de sa série animée de Rock'n'Roll Wrestling, qui périclite à moins 7 en sapristi. Nous restera les 2 films de Mission d'élite avec Karl Marotte dans le deuxième et quelques autres films oubliés. Ce que je veux dire, c'est que son chant du cygne dans sa télé-réalité de Hogan a raison, qui l'a amené à divorcer de sa femme en 2009, mais ça aussi, on s'en calisse pas à peu près. Oh, et par rapport au film de ce soir, Hulk Hogan lui-même considère que c'est son moins bon opus. On est entre moins 6 et moins 8. Certains, il y a des questions qui foisonnent. Pourquoi est-ce qu'ils ont traduit la voix des enfants, sauf quand ils chantent? Ça me tape ses nerfs. Ça et... se faisait souvent, hein? C'est souvent comme ça. Ouais, ils se disent, on va faire les coins ronds. Les chansons sont trop compliquées, là. Faut que ça rentre, faut que ça rime. Et voilà. Là, imagine-toi, il faudrait mettre plusieurs dizaines de minutes là-dessus. Ah, oui. On n'a pas tout le temps les baronnets pour nous aider. Ce qui nous amène tranquillement pas vite à Julien Bernatché et sa chronique. Attends un petit peu, toi, là. Non. Avant, j'aimerais ça que tu me parles de rien pendant un petit bout de temps, là, juste le temps. Question de remplir du temps. C'est ça. Ben non, mais on est presque là-dessus, ce qui m'amène à dire les choses qui me font réfléchir. Là. Tellement bon des enchaînements, Tom. Un fade out, là. Tu fais ça comme pas deux. Meilleure réalisation, c'est, ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça fait deux ans qu'on la gagne presque. Ouais, là, c'est cette année qu'on va l'avoir. Chaque année, on passe. Ah oui, je voulais faire un mélange des deux, puis finalement. Gagne presque, tu veux dire que non, il est nommé, là, parce qu'il faut qu'il nous mette dans plus qu'une catégorie. Il faut. Quoi qu'il faut. Je sais pas. Ok, on a besoin d'être Bernatchezé. Ouais, go. All right. Fait que je commencerai par une anecdote inutile. Je parlais à mon frère la semaine passée au téléphone. Des... Non! Oui. Tu des, me dis pas! Comment il va? Il va pas pire, il va être papa bientôt. Alors, comme monsieur papa. Oui. il parlait des... je parlais quand, tu sais, c'était dur d'écrire une chronique drôle sur les 4 heures, Sylvain Sylvette, ou sur Pedzi. Puis il m'a répondu, t'as-tu dit Pedzi à gueule ou Pedzi d'en face? Puis j'ai dit, j'ai pas pensé. Alors... C'est dans la famille, hein? C'est ça. Alors, ça confirme que mes chroniques BD seraient meilleures si c'était pas moi qui la faisais. Relève de l'auditorat de 70% est assurée. Oui, oui. alors, voilà la chronique, là, on y est. Peut-être dernière chronique BD de 2010, je sais pas trop. Alors, puis la 199e émission. Fait que je voulais terminer ça avec quelque chose de différent, soit une vraie chronique BD, avec pas vraiment de joke, puis mes vraies opinions, puis tout. Des BD que non seulement j'ai lues, mais même relues. Alors, je conseille aux gens à la maison de baisser le son, puis d'aller chercher une bière, faire d'autres choses. Ça sera pas vraiment drôle, puis on va comprendre pourquoi je fais jamais ça. Même cette joke-là, je l'ai dit au début de l'émission. Alors, à m'écouter parler au fil des années, on pourrait croire que la BD, c'est un monde insipide, rempli de personnages avec comme un calembour comme nom, puis des intrigues prévisibles interchangeables, puis des gadgets au nom douteux, comme le monstre mou. Ben, la BD, c'est ça, et les trois titres que je vais discuter ce soir, qui sont trois de mes BD préférés de tous les temps. C'est con, parce que j'aurais pu faire trois chroniques avec ça, en fait. Okay, bon. D'abord, un classique, alors je les avais avec moi. Là, il fouille dans son sac. Voilà, c'est ça. D'abord, Idée noire de Franquin. Excellent, effectivement. Ouais. Ça, c'est un classique, c'est sûr que bon. Hergé disait un jour, d'ailleurs, moi, je suis pas un artiste, le vrai artiste, c'est Franquin, voyons. Fait que... Il a dit ça, pas ces mots-là exactement, mais... Franquin, ben, il allait pas bien dans les années 60. Il se sentait prisonnier de Spirou, puis il s'amusait plus depuis longtemps. Au beau milieu de l'apparition de QRN pour Bretzelberg, dans le journal de Spirou, il a fait une dépression, ce qui a interrompu l'apparition pendant 15 mois. Il a fini de peindre misère avec l'aide de son ami Greg, puis il est rendu à l'album suivant, Panade de Champignac. Il tourne tous les personnages au ridicule, les orgues portent une couche, puis on sent qu'il faut qu'il passe à autre chose. C'est ce qu'il va faire. Et par la suite, Fournier va reprendre les Spirou avec une dizaine d'albums qu'on lit jamais, parce qu'ils sont plates. Ils sont moins pires que ceux par la suite par Nick et Cauvin, qui sont encore plus plates. On entend Poète lire l'album. Écoutez-moi ça, ce livre-là. Oui, écoutez ça. Il se tourne, les pages se tournent bien. Oui. Ouais. Fait que Franquin va faire des projets qui lui ressemblent plus, comme Gaston, le premier anti-héros de la BD, ce qui était très adapté à l'époque. Et surtout, il va publier chez Phil Glacial, le journal de Gottlieb, l'album que je vais discuter ce soir, Idée noire, son œuvre la plus intéressante avec de loin ses plus beaux dessins. J'en ai ici la version poche sur laquelle j'ai renversé du café. C'est que... très poche, en effet. Mais c'est ça. Mais elle n'a de poche que son format. C'est pas noté, ça, en plus. Ça, c'est the on the spot. Oh, ça. Wow! Zing! Voilà. c'est des gags d'une page quand t'as pas la version poche, là, parce que là, c'est 3-4 pages. toujours en noir et blanc, qui sont cruels, sadiques, méchants, bêtes, ça sent la mort, le goudron, l'encre très noire. On s'attaque aux militaires, aux prêtres, aux chasseurs, aux pollueurs, aux politiciens, à toutes les figures d'autorité qui nous font chier, et à la race humaine en général. C'est dur, c'est comme un cauchemar qu'on veut pas quitter, c'est magnifique, c'est un classique, je le recommande à tous, et je donnerais 5 sur 10. Mais attends, quand tu dis « il se plaint contre tout le monde », puis là, c'est un cauchemar qu'on veut pas quitter. Ouais. Oui, moi, j'ai eu un flash, Michel Brûlé, là. Michel Brûlé, ben je sais pas si on peut faire des parallèles entre des noirs et Michel Brûlé. Il parle de bitch. Michel, en fait, c'est son opinion qui bitch tout le monde. Tandis que ça, c'est plus tous les sujets. Mais ça serait réussi, supposons. Je le sorte. Non, mais ça serait, supposons, c'est dans le futur maire de Montréal. Oui, voilà, c'est ça. Incomparable. Mais si les deux s'attaquent aux figures d'autorité, supposons, Franquin, il est bon là-dedans. Puis Michel Brûlé, ben. Aussi, mais moins. Non, il est pas très bon dans quoi que ce soit. Aussi, à part ça, ensuite. Le premier numéro de Fugue Glaciale que j'ai acheté, c'était le numéro de février 95, que j'ai bien sûr oublié d'amener, avec une couverture à gratter au complet. Évidemment, au couche-tard, il n'y avait pas de numéro, ce qui n'était pas un peu gratté, mais j'ai pris celle qui l'était moins. Puis j'avais acheté pour ça, mais à l'intérieur, c'était aussi bon, sinon mieux, c'était drôle, ce qui était rare pour de la BD. Puis là-dedans, puis il y avait beaucoup de totons aussi, ce qui était un plus. Puis à l'intérieur, ben, j'ai découvert Edica, Larsenet, Blutch, Binet, Coyote, Lelong, Morel... j'en oublie, j'entends les gens à la maison rêver pendant que je nomme ces noms-là. Mais mon préféré, c'était Tronchet, qui, je retourne dans mon sac, qui nous a offert Jean-Claude Tergal. Alors ça, c'est j'aime ça beaucoup. C'est ça. Jean-Claude Tergal, c'est l'éternel loser, l'éternel célibataire, le gars que ses amis vont lui voler sa blonde, le gars que, sur qui les oiseaux vont tout le temps aller chier, le gars qui fourre un sac de pâtes pour savoir c'est comment fourrer une fille. Malheureux en amour, malheureux en sexe, pathétique, puis un peu touchant. Avec des titres d'albums comme Jean-Claude présente ses pires amis, Nous deux moins toi et L'amant lamentable, ça donne le ton. Le ton que j'essaie de faire avec Le Culuc mon héros, finalement, c'est juste ça. Là. C'est un rip-off de Jean-Claude Tergal, en fait. Ok, vous l'apprenez ici. Puis c'est ça, là, j'ai amené cette semaine de tome 7. C'est quoi le titre? Je n'ai pas écrit sur ma feuille. C'est un peu. Les premières fois. La première fois. Voilà, la première fois. C'était celle-là, c'était, je crois, mon préféré. Parce qu'on le suit à l'adolescence, c'est Jean-Claude qui se compare au Yeti dans Tintin au Tibet, parce que comme lui, c'est un éternel incompris, avec qui personne parle. Il finit par trouver le premier amour, ce serait pas mal son seul salut dans tous les 9 albums, puis c'est très drôle. Je donnerais un 2 sur 10 bien senti, vraiment, je le conseille à tout le monde. Jean-Claude Tergal, un coup de cœur. Et en terminant, ma bande dessinée préférée de tous les temps, soit Klaus Cat. Pour les gens à la maison, Klaus Cat, c'est... K-L-A-S-K-A-T-T. Mais il n'y a comme rien sur Internet sur le sujet, en fait. Puis, t'as rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire. Ben, en fait, j'ai copié-collé l'intégrale de la page Wikipédia. Klaus Cat est un personnage de bande dessinée créé par Gunnar Lundqvist, éponyme d'une série très populaire en Suède et publié en France la première fois en 1997 dans Lapin. Alors, c'est l'intégrale de la page Wikipédia de Klaus Cat. Klaus Cat, quand je l'ai vu à la librairie L'Imaginaire de Place Laurier à Sainte-Foy, j'ai tout de suite su que je voulais me l'acheter, alors je l'ai demandé à Noël. En dehors des classiques genre les Tintins, le Schtroumpfissime puis les Spirou et Xorglub, c'est pas mal la seule BD que j'ai lue et relue à répétition et que je relirai encore immédiatement à place d'être assis ici pour en parler. Ça m'a influencé dans mon humour puis j'ai toujours gardé en tête que ça ferait des bons courts-métrages. Où c'est, j'adore ça. C'est la noirceur de l'âme, c'est l'angoisse mise en image, c'est du monde sans emploi, sans passion, sans but. Qui boivent du café, qui sont stressés par la moindre rencontre, par le moindre changement, qui veulent rien faire d'autre que dormir ou boire. Les histoires ont souvent pas de punch, on erre à la lecture autant qu'eux, mais il y a quelque chose d'inaccessible là-dedans, de terriblement angoissant et d'étrangement drôle. C'est pas sans rappeler Idées Noires, que ce soit dans la forme ou dans le fond, c'est comme un cauchemar réveillé, j'adore ce livre et je donnerai 0. Alors voilà. se livrer comme ça, c'est beaucoup trop gênant, alors je ferai plus ça. La prochaine fois, je vais parler de Michel Vaillant de Pif Gadget, ça met plus à l'aise, ça demande moins d'efforts. Michel Vaillant, je sais. pour les gens qui ont apprécié les livres que j'ai parlé ce soir, ben, je vais m'en aller au brouhaha tantôt ce soir, puis j'ai un sac à dos rouge, fait qu'ils vont peut-être dedans. J'ai volé mon sac à dos quand j'ai le dos tourné. C'est bon. Alors voilà. On va peut-être t'emprunter ça, moi, Klaus Cat. C'est le seul que j'ai pas lu. Ça a l'air fun. Fait que tout t'a prédisposé à aimer les booktouches, puis finalement, ça n'a pas fait le choc. Non! Je sais pas pourquoi. Alors, je sais. Mais bon. On va l'avoir la prochaine fois. Oui. Hey, merci beaucoup, Julien Bernatchez. On va débouler vers la fin de l'émission tranquillement, ce qui nous amène à... Là, c'est quoi? C'est rendu à Predge. De Noël, de magie. Ouais. Mais sauf que là, je viens de remarquer quelque chose. Toi, tes speakers, on peut te plugger là-dessus. Oui. Ah, OK. Non. Ben, c'est oui comme ça, mais c'est non. Bon, ben, c'est le fun. Vous avez préparé des beaux best-of de Predge en Chris, puis on peut pas les écouter. Fait que ça sera pour une autre fois. Mais refais les lives, là. non. Ah, OK. Fait que c'est pas grave, là. On va s'en reprendre la semaine prochaine. À partir de notre anniversaire, tu vas commencer à nous lancer des best-of une fois de temps en temps. Ah, c'était peut-être arrangé aussi, vu que c'était à 199e. Je me suis dit, je vais les faire chier comme il faut. Je vais leur faire croire qu'ils vont l'avoir. Ça serait bien ton genre, ça. Mais non, c'était pas prévu. En tout cas, ça nous fait vraiment chier. Ah, mais je me suis fait chier pendant des heures, me retaper tout ça pour rien, finalement. Envoie-moi les par email. Pour rien, à date. À date, OK. C'est pas grave, j'ai quand même un truc intéressant, un petit dossier sur... oui, vous allez bien entendre. Spider-Man, Turn Off the Dark. La comédie musicale. Ah, tabarnak. Réalisée par Julie Témard. Musique par Bono de U2 et son guitariste The Edge. The Edge. Prénom D. Ouais, prénom D, nom de famille Edge. Avec un budget de 65 millions de dollars, un an de retard, d'une complexité jamais vue. C'est deux fois le budget de la Nouvelle-France. Oui, effectivement. Et presque disque de celui de The Room. disons que c'était le sujet de l'heure à Broadway cet automne, tout le monde en parlait, parce que là, il y a eu tellement de problèmes, beaucoup de rumeurs puis d'histoires. Bon, disons qu'on y croyait plus à la sortie de cette comédie musicale-là. On espérait. La première a eu lieu la semaine dernière et c'était un fiasco. Le 28 novembre dernier, c'était la première, écoutez bien ça, c'était la première d'une série de 40 avant-premières. Oh! Oui, 40 avant-premières. Pour tester le produit pour que ça devienne bon. Voyons! Mais le lancement, il avait Parker été. Parker qui danse en rangée. Mais je ne pas si c'était bien serré, ça, là, que tu peux y mettre des danseurs. Le lancement, il avait été retardé de plusieurs semaines. Ils ont perdu. En fait, il avait été repoussé d'un an au départ. Je vais vous revenir plus tard pourquoi. Mais il y a. Quand la date a été lancée, finalement, pour les avant-premières, ça a été encore repoussé d'une couple de semaines. Ils ont perdu dans ces semaines-là 4 millions de dollars. Pour ceux qui s'intéressent d'aller le voir, ça va être lancé officiellement le 11 janvier 2010 dans le monde. En attendant, bon, en tout cas. Le 11 janvier 2010. Non, ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Là, c'est ce show-là, les critiques l'ont qualifié de flop épique, quand même. Ouais. Le premier show s'est arrêté à 5 reprises pour des problèmes techniques. Les acteurs attachés par des câbles dans les airs au-dessus de la foule n'arrivaient pas à rejoindre les plateformes. Le directeur de plateau a parlé une couple de fois au micro aussi pour demander la patience du public ça a duré 3 heures enfermé là-dedans. Les gens se plaignaient à haute voix, puis j'ai compris, 150 pièces le billet, tu sais, t'en vas là, puis ça a l'air d'une répétition. Pour la première, 150 pièces. 150 pièces, même pas la première, l'avant-première. Ouais, c'est ça, la 40e avant-première. Puis on fait le lancement à New York, il me semble que tu rodes ton show ailleurs dans ce temps-là, mais en tout cas. À Saint-Lin, maintenant. À la deuxième représentation, le lendemain, le producteur il a monté sur stage avant le show, attention, pour s'excuser d'avance, pour demander l'indulgence du public et les avertir que ça se pourrait que le show soit interrompu pour des problèmes techniques. Et ensuite, il a lu devant la foule avant le spectacle une lettre signée des inspecteurs de la ville qui demandait aux gens dans la salle de ne pas essayer d'attraper les comédiens par les pieds. C'est vrai parce que c'est qu'ils volent au-dessus de la tête. Je l'aurais fait. Mais. Évidemment, encore une fois, à la deuxième représentation, ils ont interrompu le spectacle parce que Spider-Man était pendu dans les airs. Il a de la misère à pogner sa plateforme. Ça a duré 10 minutes, cette intervention. Pas BS. Avec BS. Le technicien, c'est comme ça que je l'ai lu. Là. Avec le technicien qui descend dans la foule pour essayer d'attraper Spider-Man par les pieds pour l'aider à remonter. Attrape la corde. C'est quand ils disent flop épique, là, je les crois. Mais là, tu sais, mettons, là, l'envers de la médaille, on parle quand même d'un show incroyablement complexe avec le Cirque du Soleil, des comédiens qui volent dans les airs à plus de 80 km/h puis qui atterrissent au deuxième balcon tout en lançant leur texte. Néanmoins, il paraît que les bruits mécaniques de l'équipement nous déconcentre des voix et de la musique. Ah. On devrait y aller tous ensemble. Ouais, faut, tu sais, on s'entend d'une affaire gros de même. Faut que ce soit parfait pour que la magie passe. Puis ça l'est pas encore, en tout cas. Ben, faut pas sentir le budget quand tu regardes un show. Puis c'est ça vaut 65 millions. Hey, c'est le show le plus cher jamais produit à Broadway ever. Juste la scène a coûté 10 millions de dollars. La production par semaine coûte 1 million de dollars. C'est capoté ben raide, là. Pour Spider-Man. Oh, je sais pas, je m'en colle. Mais ce show-là, OK, pendant qu'ils montaient, ils ont dû prendre une pause de un an parce qu'il y avait un manque grandiose de fonds. Un moment donné, ils réussissent à déboucher un 30 millions avec un producteur dont tout le monde se fout éperdument du nom, là. Ce 30 millions-là, ils l'ont perdu, puis regagné éventuellement avec un autre producteur, mais je voulais raconter comment ils ont perdu ce 30 millions-là avec le producteur qu'ils avaient trouvé. Le producteur était dans la chambre d'hôtel de The Edge de YouTube. Il s'apprêtait à signer le contrat, en fait. 30 minutes avant la signature du contrat, il était rendu dans la chambre d'hôtel. Il est mort d'un anévrisme. Bon Dieu, pas fou dans le fait. Bon Dieu, lâche-les. Ouais. Puis c'est ça, il y a déjà deux acteurs qui ont été blessés cet automne en montant la pièce. New York Times, le titre de leur article. Moi, j'ai pas pris mes informations de l'article du New York Times. Par contre, Bruno, une petite information de plus. L'article, je pense, le titre ou je sais pas quoi, le petit nom qu'il donne, c'est le Spider-Man, le spectacle maudit. Attends un petit peu. Avant moi, j'aimerais ça que tu choisisses une toune de Noël parce qu'on va mettre la magie de Noël en background. Ah non, parce qu'il nous reste déjà 15 minutes. Parce que. Ok, ben. Puis il faut mettre après Bruno, parce que moi, ma toune, je vais l'écouter. Je la veux pas en background. Fernand Gignac. Je sais pas si on va avoir le temps, là. Moi, j'avais vu dans le New York Times le critique, un critique quand même assez sérieux, puisqu'il écrit dans le New York Times, on suppose, qui est allé voir le spectacle, puis il avait recueilli des commentaires des gens au début du spectacle, à savoir c'était quoi leurs attentes pour le spectacle. Et puis, le but, c'était de prendre leurs commentaires à la fin du spectacle pour savoir pis, mais finalement, quand il est sorti, il pouvait trouver personne en haut de 9 ans. Tout le monde était parti. Parce que tout le monde était parti. Parce que c'est abandonnant leurs enfants. Abandonnant leurs enfants. C'est mauvais à ce point. C'est bon, ça. Fait que ça a fini ton affaire, ça. Moi, j'ai terminé. Merci beaucoup, en tout cas. Si je pourrais faire une demande spéciale de Noël, je serais vraiment heureux d'entendre au moins 30 secondes de Allô le ciel, Studio Brasseur. Bon, ouais. On peut faire ça. Ok, on va la mettre. Ouais, un peu. Parce que je sais que. Je dis 30 secondes parce que je sais que d'un coup, c'est parti, ils vont faire la fenêtre. Puis après ça, ça va être Evelyne qui va nous raconter les affaires de Dan Millman. Le vibrato. Elles ont bien des cœurs, des poses, le bonheur et l'espoir merveilleux des sons des cieux. Allô, ciel. Écoutez mon appel. Je voudrais dire un mot au bon papa. Noël, allô. Tous les midis, c'est allé sans chanter. Remplissez leur sabot, allô les yeux. Allô. Allô. Et voilà. Oh, encore. Ben là, on a plus de micro. Sam, il est où, là? Ah non, mais là, on écoute les tunes, là. Ah, ok, ouais, c'est des tunes, Tommy s'est sauvé. Pour tous les écoliers, apportez des lumières, des crayons, des pastels, pour qu'ils gagnent le ciel. À nos parents donner longue vie et santé, et les enfants gâtés pour enchanter. Allô? Allô, le ciel? Écoutez mon appel, je voudrais dire un mot au bon papa. Allô? Elle est tellement cute. Père Noël, si tu m'entends, je la veux pour Noël cette année. C'est tout ce que je te demande. Ça va être noble. Ouais, ça va être noble, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, je suis full mal à l'aise. Elle doit être rendue à plus de 50 ans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça que je voulais dire. Là. Ouais, c'est ça. Ça va être ma c'est grand-mère. C'est elle qui va le violer, en fait. Bruno, nouvelle? Oui, d'accord. Alors, Axl Rose n'aime pas Slash, l'ancien guitariste de son collectif musical à succès Guns N' Roses. Tellement qu'il poursuit la compagnie Activision qui publie les jeux Guitar Hero, affirmant que l'utilisation de la chanson Welcome to the Jungle dans le jeu Guitar Hero 3 viole l'entente qu'il avait avec eux de ne pas inclure d'image dans le jeu de Slash. Ah. Selon Rose, il aurait accepté l'utilisation de sa chanson, se faisant promettre que le jeu ne ferait aucune référence à l'ancien guitariste du groupe ou à son autre groupe de musique Velvet Revolver. Non seulement une version animée de Slash apparaît sur le boîtier de Guitar Hero 3, mais le groupe Velvet Revolver y est très présent. Rose poursuit pour 20 millions de dollars en dommages compensatoires et dommages punitifs. Hey, dommage, ça y a fait mal que son pote soit... C'est drôle parce que j'ai découvert en checkant ça qu'il y a une page Wikipédia sur... les disputes que Axl Rose a avec d'autres mondes. Genre, il y a une page, c'est pas sur sa page Wikipédia. Sur sa page Wikipédia, faut que tu cliques sur le lien pour avoir l'article complet sur les disputes qu'il y a avec d'autres mondes. C'est vraiment un asshole de prix. Tu vas envoyer ça, s'il te plaît, man. Je veux ça. Il me semble Axl Rose, ça fait depuis tout le temps qu'il a l'air d'un asti frappé. On va faire une autre. Mais voyons, juge vite, tu juges. Il mettait de la poudre sur sa mousse de micro blanche. C'est pour ça qu'elle t'avance. Alors, après des milliards d'années sans propriétaire, le soleil a finalement été adopté par Angeles Duran, une Espagnole de 49 ans. La femme a fait des démarches en septembre dernier afin de devenir propriétaire de l'astre après avoir appris qu'un Américain s'était enregistré comme propriétaire de la Lune et de la majorité des planètes du système solaire. Ça, c'est vrai, le gars, il a même commencé à vendre des bouts de Lune, puis il est riche à cette heure. Hey, sacrament! Alors, il existe un accord international qui stipule qu'aucun pays ne peut s'approprier une planète ou une étoile, mais il n'en dit rien sur les individus. Elle affirme que n'importe qui aurait pu le faire. Elle est simplement la première à y avoir la pensé. La génie, voilà. Man. Elle ajoute c'est qu'elle n'est pas stupide! Et qu'elle connaît la loi. Le document publié par un notaire affirme que Madame Duran est propriétaire du Soleil, une étoile de type spectral G2 située au centre du système solaire et à une distance moyenne de la Terre d'environ 149 600 000 km. Voilà. Donc c'est bien le Soleil dont on parle. Soleil, Soleil, Soleil, Soleil. T'en as-tu d'autres des nouvelles, toi? Ouais, il m'en reste une. Ben, vas-y, book ça, comme de ça, Noël. On va passer à Evelyne après, puis elle va avoir le temps qu'elle veut après avoir choisi sa toune. Pour celle que je viens de faire là, je l'ai pas encore préparée, là. Je vais vous en parler la semaine prochaine. J'ai un gros article sur pourquoi elle n'est pas vraiment propriétaire du soleil. Oh! on va en parler la semaine prochaine. Et puis, la police de New York a arrêté un homme qui a volé un propriétaire de pizzeria. Salvatore La Rosa un complice avaient mis des masques et se sont armés de fusils afin de voler un sac contenant ce qu'ils croyaient être les profits de la journée. Le sac contenait de la pâte à pizza. La Rosa a été accusé de vol à main armée après s'être rendu à la police. Il a été libéré sous une caution de 1 million de dollars. Okay. Son avocat a refusé de commenter. Eh, tabarne! Ok, ouais. Vas-tu payer en pâte à pizza? Je sais pas. Aïe, aïe. Pour moi, il voulait faire chier son père. Je sais pas. Je sais pas. Oh my god. Aïe, aïe. Bon, ben, tiens, je vais mettre le thème à Evelyne. Ça va nous. Oh oui! De Noël! Je l'ai jamais entendu. Le thème de Noël, d'Evelyne de Noël. La fille de service! La fille de service! La fille de service, la fille de service, la fille de service, oh yeah, et Féline Poitain, oh yeah. Et popé. Ouais. Choisis donc ta toune de Noël comme toune de Bagman. Ben, je vais la choisir conjointement avec Julie Beauza ici. Ouais, nous, on a choisi ensemble la SketchUp. Oh là, c'est dur, ça. Le Crystal Sound Xmas Remix. Oh, c'est trop avec nous autres, les filles. Ça paraît que c'est des décisions de filles. Fait que sinon, tu veux nous parler de Dan Millman, l'Invincible? Oh boy, je savais pas que c'était ça. Regarde, il y a des grelots, c'est de Noël. Ça, à part les grelots, c'est la toune est exactement pareille comme l'original. Ce qui avait fait dire à Benoît Mercier l'année passée, mettre du poivre sur un gâteau, ça devient un repas principal. Voilà. À toi, Evelyne. Hey, on est content que tu aies cette mémoire-là, Étienne Forêt. Ça fait plaisir. Ouais. Peux-tu baisser un peu, maison, que je m'entends pas penser que je veux des binottes? Oui, fait que, mais oui, 199e, une autre année s'achève. Puis là, Israël, il est pas là avec moi, mais il serait d'accord pour dire que, tu sais, notre coup de cœur là de 70% cette année, c'était Julien. Ben ouais, non. Bernatché, avec ses chroniques malades. Accepté celle d'aujourd'hui. Ouais, jusqu'à cette semaine. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais ça m'a comme ému, moi. Bon. Non, je t'ai ému. Fait que moi, j'ai ressorti mon super livre de Dan Millman. Fait que là, pour ceux-là, j'ai combien de temps? Là? J'ai 3 minutes. Ouais, 3, 4, 5. Le max. Ouais, fait que... Ouais, l'explication s'en va à toi, hein, ça t'aide pas. Fait que oui, c'est ça, j'ai ressorti mon livre de Dan Millman. J'ai fait la numérologie de presque tous les participants ici, sauf Predge, puis Julie, puis François, puis moi. C'est vrai qu'on te la fasse. Oui, c'est ça. Et puis donc, basé sur un système de la Grèce antique, mais mieux. C'est ça. Ancienne sagesse de la Grèce antique, cette méthode se rapproche de la numérologie, mais se révèle beaucoup plus riche d'enseignement. Bon. Donc, j'additionne tous les chiffres de ton truc, de ta date de naissance. 2 plus 2, que ta date de naissance, c'est le 2 du 2 1983. 3, oui. 2 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 3, ça fait 25. 2 plus 5, ça fait 7. Donc, tu es un 25-7, Julien. Ah! Oui. OK. Oui. Et puis, juste avant de commencer, je vais vous dire que Dan Millman a écrit le livre best-seller le Guerrier Pacifique. Et puis, il y a un film qui va sortir. Le trailer est en ligne sur Internet. Non. Oui. Et puis, Dan Millman a également sorti une application pour le iPhone si vous voulez que votre numérologie, votre chemin de vie, dans le fond, vous suive partout dans la poche. Oui, il nous avertit, mettons, quand on est censé faire quelque chose, genre là, prendre de la drogue. toi, ta toxicomanie. Ouais. Donc, OK, je me lance. Julien Bernacchi, 25-7. Yes. Donc, les 7 font les pires paranoïaques et les meilleurs savants. Et voilà. Les 25-7 sont de la trempe des grands penseurs. Et la plupart des individus sur le chemin du 25-7 ont un travail, une famille, font des voyages et s'occupent à toutes sortes d'activités ordinaires dans la vie de tous les jours. Pas grand-chose de tout ça, en fait. Mais... Pas de famille, voyage, mais... Non, pas de famille, non. Non, bon, on est allé en voyage quand même cet été. Oui, non, Julien, compare-toi pas à ce qu'il dit. Faut que t'embarques dans ce qu'il dit parce que c'est lui qui a raison. C'est ça. Non, lui, il a dit comme, supposons, dit, créatif, ça. Paresseux, supposons... Non, ouvre grand puis avale ce qu'il a dit. Ah, OK, ben, on continue. Je ne suis que le messager. Il émane de presque tous les 25-7 une sorte de légèreté et de clarté séduisante. Oui, très séduisante. Qu'ils en soient conscients ou non, ils sont très près des énergies subtiles que certains appellent des anges. Ah, c'est plus intéressant. Surveille tes arrières, génial. Ouais. ils aiment la beauté des paysages. Ouf, non. Et ils ont souvent plus de facilité à communiquer avec les esprits de la nature qu'avec les habitants de la ville. Ouais. Ça, je... Ils aiment les ordinateurs et l'art conçu par ordinateur. Les jeux sur ordinateur, les études avancées, les lectures, les voyages, par mer ou dans les airs, les voyages. Ah. Ils rêvent d'un monde de beauté et d'aventure où les politiques et les déceptions propres au monde des humains seraient inexistantes. Inexistantes. L'art par ordinateur. Inexistantes? Inexistantes. Incarnation de la liberté intérieure, eux-mêmes touchés par un sentiment d'unité, de paix et d'harmonie, ils vont dans le monde et touchent les autres. Oui, je touche beaucoup les autres. C'est ça. Littéralement, je veux dire. Oui. Pour les 25-7, peu d'activités sont aussi thérapeutiques que la descente d'une rivière en canot, promenade en chaloupe sur un lac ou une marche en montagne. Oui. Hein? Petite descente en canot. Ouais, ça fait toujours du bien. Ah, oh, oui, ben, j'ai généralement à l'émission en canot. C'est ma mère, je répondrai pas. Non, pas de suite. Oui. À peu près une minute, là. Ben, désolé. J'ai fini. Écoute, j'ai fini. Oh, la plupart des 25-7 ont des problèmes personnels bien précis. Oui. L'alcool. Leur plus grande satisfaction sexuelle, ils l'obtiennent lorsqu'ils sortent avec confiance de la caverne de l'esprit, enlèvent leur armure mentale et font naître l'émotion dans la chambre à coucher. Ça, c'est très vrai. On le reconnaît tout de suite. En résumé, les 25-7 ont une forte nature esthétique et ils sont à leur aise aussi bien assis devant un ordinateur que marchant sur une plage balayée par le vent. Oh! Ces penseurs exceptionnels peuvent arriver à la réussite financière en empruntant divers chemins. En empruntant beaucoup. C'est ça. Je t'en nomme quelques 25-7 célèbres que tu puisses te comparer. O.J. Simpson. Bella Abzug. OK. Arthur H. Pas Arthur H. le chanteur, mais Arthur H. A.C.H. Okay. Joanne Baez. Ellen Gurley Brown. William F. Buckley. Woody Guthrie. Pas le bon Woody. Et Gertrude Stein. Bon, ben, coudonc. À part moi, ça... Guthrie, il me dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un connaissait quelqu'un? Ah, de savoir que je joue dans la même ligue que Julie, ouais, bon, c'est okay. Ça. Non, mais sinon, dans le monde du connu, là, il y a quand même Mel Gibson et Eric Clapton. Ah, Mel Gibson. Et Marilyn Monroe. Ouais, bon. Oh, Marilyn Monroe, ouais. C'est vrai que t'as des airs de Monroe. Voilà pour Julien. Maintenant, on en sait plus sur toi. Moi, j'en sais moins. Même comment ça se passe dans la chambre. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'était la 199e émission. Merci 70%. On dit merci à tout le monde, puis ceux qui l'écoutent en différé, hey, puis se reconnaissent. De nous écouter. 70%. Quelle aventure. Merci, Evelyne, pour bonne ta... Année. Merci beaucoup, Julie. Merci, Julie. Merci, Julien, merci Bruno. Merci, François, là-bas, au silence. Merci, après. Merci à vous. Ça a tellement passé vite. Moi, c'est Tommy Godette. Je vous laisse avec des séquences de Monsieur Papa. Faut qu'on sorte au plus vite pour laisser le studio pour les prochains. Restez pas loin. Merci. On n'est que le début de l'aventure. On va se rendre à 800. On est capable. À la semaine prochaine. À 793. J'espère tellement pas. Monsieur Papa. Il faudrait faire baisser mon cholestérol, Pierre. Oui, monsieur. Prends note, Chase. Ma photo sur la boîte doit être plus grande. Et qu'il me fasse plus bronzer. J'écoute. Oui, entendu, je le préviens. Vos invités sont arrivés, monsieur. Fâcheux. Le business vous appelle toujours quand on commence à s'amuser. Je vais imposer une nouvelle ligne de conduite. Prends note, Chase. Bien, règle numéro... À quel numéro sommes-nous ? 385. Parfait. Règle 386, ne jamais mélanger business et plaisir. Je me sens en pleine forme aujourd'hui. Tu ferais bien de noter ça, Chase. Les règles sont indispensables. Que feriez-vous sans les préceptes de Blake, dites-moi ? On se marrerait. Ce serait le chaos, monsieur Thorne. La confusion totale. L'anarchie. Pierre, règle numéro 105. Oui, monsieur. Ne jamais donner un doigt, surtout quand on peut en prendre un. Franco, 81. Ne jamais couper la main, qui pourrait vous aider plus tard. Cela me fait penser, monsieur. Une de ces organisations à but non lucratif a téléphoné pour se renseigner afin de faire une collecte de l'OL ici dans la propriété. Après tout, c'est la fête des chrétiens, monsieur. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Plus tu leur en donnes et plus ils en veulent. Tu veux leur rendre service ? Alors, envoie-leur nos sachets d'hydrate de carbone. Ils sont invendables. Mais n'oublie pas. Je sais de passer ça dans les pertes. Ah, intelligent, cette chaise. Ok, les gars. Maintenant, allons peindre les culs de ces pingouins constipés.